yeux cernés, mais sans effort, devant ces navires échoués, comme le corps de ces filles à gagner, qui donnent la chair et non le cœur, dans des enchères qui me font peur, à des marins en manque d'un rien, qui les traitent en filles de chien. Petite sœur, j'attends sur le port. Et même si j'y passe la nuit, dis-toi bien que je t'attendrai ici. Et même si j'y passe ma vie, dis-toi bien que je t'attendrai. Serré, la peur au corps, devant cet océan salé, comme mes larmes d'un revers essuyé, qui donne l'aspect d'un repère ancré, un phare décharné sur une mer agitée, la main marée basse écumée.